Maintenant, il y a un mouvement sioniste. Et on a commencé à parler hébreu. Le but du sionisme est de créer pour le peuple juif un foyer en Palestine, garanti par le droit public. Le sionisme face à la Shoah. Radio Vichy, 1943. Les juifs nous disent qu'en Palestine, ils se sont révélés bons colonisateurs et ont obtenu des créations remarquables. C'est vrai en partie, mais uniquement parce que les juifs américains y ont envoyé d'énormes fonds d'argent, de sorte que ce pays vit sur une base économique tout à fait artificielle et fictive. Que l'argent cesse d'affluer et tout s'écroulera d'un seul coup. Que d'autre part, la nation protectrice, l'Angleterre, retire ses troupes et une semaine après, il ne restera plus un seul juif vivant en Palestine. Les Arabes les auront tous rejetés à la mer. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec aujourd'hui Annette Wieworka. Bonjour. Bonjour. Sujet extrêmement difficile. Vous avez publié, naguère, je ne vais pas citer tous vos livres, autour du thème de la Shoah. La Shoah expliquée à ma fille. Alors, ce n'était pas la Shoah, c'était Auschwitz expliquée à ma fille. Ah, c'était seulement Auschwitz. 1999. Eh bien, le sionisme et la Shoah expliqués aux petits-enfants, c'est un rude exercice. Cette chronique de Radio Vichy que nous vous avons fait entendre brièvement n'a d'autre mérite que d'indiquer quelle pouvait être la fragilité du refuge national, du foyer national juif, du Yishuv, dans les années 1930. Fragilité. Oui, effectivement, fragilité, enfin la chronique est un peu folklorique, hein. Les flux d'argent américains n'arrivent pas au Yishuv, mais la population y est peu nombreuse. Il y a la vieille population juive qui a été évoquée par Dominique Bourrel, par exemple. Il y a toujours une présence juive religieuse en Palestine. Et puis, les diverses aliotes que vous avez évoquées hier, qui fait qu'à partir de la fin des années 1880, arrivent par vagues successives un certain nombre de personnes de l'Empire tsariste, de Roumanie, enfin pas de l'Empire tsariste, oui de l'Empire tsariste, de Roumanie, et on arrive à une... Et aussi à partir de 33 d'Allemagne. Alors, on arrive et à partir de 33 d'Allemagne, oui, ça on le sait peu, des juifs arrivent d'Allemagne après la prise de pouvoir par Hitler. Et comment ça se fait? Alors ça se fait d'abord parce qu'il y a aussi un mouvement sioniste en Allemagne. Dominique Bourrel a évoqué des personnes comme Martin Buber, on pourrait même dire Gershom Scholem, et même Hannah Arendt, qui a pendant toute une partie de sa vie été proche des sionistes. Et ça suppose négociation entre les organisations sionistes et les nazis. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a des personnes qui réussissent à avoir des visas pour la Palestine et qui viennent, j'ai envie de dire, par leurs propres moyens. Et puis, il y a une négociation extrêmement compliquée entre les organisations sionistes et les nazis qui permet, sous des conditions économiques, avec un certain nombre de juifs d'atteindre la Palestine. Ceux qui ont conscience du danger. Mais permettez-moi, tout au long de l'émission, Annette Wieworka, de poser des questions du même genre que celle qui a précédé, parce qu'il y a une polémique qui a été entretenue par la génération des nouveaux historiens d'Israël sur le thème, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, de la Yishuv? Mais il n'était qu'un petit demi-million, et puis sous tutelle britannique, les Britanniques voulaient fermer les vannes de l'immigration. On oublie toujours, enfin ça a été un tout petit peu rappelé par Jean-Pierre Filliu hier, mais on oublie toujours que toute cette zone est une zone d'enjeux internationaux. La politique britannique est une politique de containment de la population. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la déclaration Balfour, mais ensuite, il y a l'idée quand même qu'il ne faut pas exagérer et qu'on stoppe l'arrivée des juifs en Palestine. Mais pas seulement leur arrivée en Palestine, containment, il n'y a pas que l'Angleterre qui le pratique, elle participe à une conférence trop oubliée en juillet 1938 dans la bonne ville d'Évian, conférence à l'initiative du président Roosevelt et dont Jacob Zwur, notre vétéran témoin qu'on retrouve dans toutes les émissions de la semaine, résume ainsi. Il y a eu, en 1938, une conférence à Évian qui devait déterminer le sort des réfugiés d'Allemagne. La conférence a duré 6 semaines. Il y avait tous les pays du monde qui ont participé. Aucun, sauf la République dominicaine, n'a déclaré « Très bien, j'accepte 10 000 réfugiés ». Ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Amérique n'ont pas ouvert les portes aux Juifs qui devaient fuir l'Allemagne. Et nous avons accueilli dans ce pays, avant la Deuxième Guerre mondiale, quelques 60 000 Juifs allemands. Voilà, c'est l'évocation que vous faisiez tout à l'heure des réfugiés d'Allemagne. Le dictateur dominicain a tendu la main pour des raisons qui n'étaient pas toutes pures. C'était vraiment le seul ? Il y a eu aussi quand même des juifs allemands qui sont venus en France en nombre. Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est plusieurs milliers, même peut-être dizaines de milliers, et certains fort célèbres. Pour reprendre l'exemple d'Anna Arendt, c'est ceux-là qu'on a internés dans les camps en 40 comme ressortissants de pays ennemis. Shanghai a aussi été ouverte pratiquement jusqu'à pendant toute la guerre, et il y avait une vingtaine de milliers de réfugiés juifs à Shanghai. Mais globalement, personne ne voulait ouvrir les portes dans une situation qui était une situation de crise économique où on ne voulait pas d'immigrés. Alors l'impuissance des pays de la conférence d'Évian, elle est entendue par Hitler qui va déclencher, on le sait, la nuit de cristal à la fin de la même année 1938. Voilà comment elle est racontée du point de vue nazi. Wir stehen mit unserem Mikrofon in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Nous sommes ici dans la grande synagogue de Leopoldstadt. L'appeler encore ainsi aujourd'hui est en fait un peu flatteur. Les habitants ariens et volontaires de ce district ont pu exprimer leur haine viscérale des Juifs. La synagogue a été en flammes en quelques minutes. Il ne reste plus que le squelette de cette synagogue, de ce somptueux bâtiment construit avec beaucoup d'argent. Nur mehr das Gerippe, das alte Gerüst übrig geblieben. Und die Männer der SA, nous allons donner la parole aux hommes des SA qui font leur travail ici. Sie können vielleicht auch etwas erzählen, wie das Ganze vor sich gegangen ist. Ich bin jetzt kurze Zeit hier. Nous évacuons la place à cause du risque d'effondrement de la synagogue. Je crois qu'elle peut s'effondrer et nous n'avons rien contre, n'est-ce pas ? Non. Georges Bensoussan, qui a consacré un livre au sujet qui nous occupe, le sionisme et la Shoah, dit que c'est peut-être à ce moment-là que l'émotion a été la plus forte du côté du foyer national juif. L'émotion a été forte partout. Aujourd'hui, on parle plus de nuit de cristal, on parle de pogrom de novembre. C'est la première fois qu'en Allemagne, on tue des juifs, on détruit la totalité des synagogues et on déporte, essentiellement à Dachau et Buchenwald, une trentaine de milliers de juifs qu'on somme en fait de quitter l'Allemagne en abandonnant tout leur bien. Donc l'émotion est considérable partout, et y compris dans le et donc dans le Yishuv aussi, parce qu'il semble qu'il y ait un pas de franchi par rapport à la persécution, et que finalement, après l'arrivée de Hitler au pouvoir, les Jeux Olympiques de Berlin, un certain nombre de Juifs avaient pensé que finalement ça allait s'arranger. Et puis il faut aussi dire, parce que c'est important, que on est après l'Anschluss, c'est-à-dire après le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, mars 38, et que la nuit de cristal est particulièrement violente et sanguinaire à Vienne aussi. L'écho qu'on entendait venait de Vienne. Le souffle de la guerre était là sur la nuque des Juifs du foyer national à partir de 1939 avec des bombardements de l'aviation italienne au début de la guerre sur Haïfa et Tel Aviv. Et puis, on l'oublie souvent, avec les combats en Afrique du Nord. Bon, les Allemands auraient pu pousser jusqu'au canal de Suez et arriver dans le foyer national juif. En 1942, longtemps, l'incertitude a été grande. C'est vrai que c'est un terrain de combat qui est moins bien documenté, connu, disons. Mais que jusqu'effectivement 42, jusqu'à un certain nombre de batailles, la Main, il y a cette incertitude qui pèse sur le foyer et qui fait d'ailleurs que on réitère un peu ce qui s'était passé en 14-18, c'est-à-dire qu'il y a une, je sais plus si c'est brigade, légion, enfin que des Juifs s'enrôlent du côté des Britanniques, puisqu'il y a le sentiment quand même que c'est en combattant du côté des, enfin, ce qu'on appelle les alliés, contre les forces de l'Axe, qu'il y a une chance que de sauver des Juifs. L'intranquillité est plus grande que pendant la Première Guerre mondiale, notamment parce que Hitler peut avoir des alliés du côté arabe. On n'a pas parlé depuis hier de son hôte à Berlin, le grand mufti. Appel du mufti, enregistré par les services d'écoute des États-Unis. Arabes, soulevez-vous comme un seul homme pour combattre pour vos droits les plus sacrés. Exterminez les Juifs, partout vous en trouverez. C'est la volonté de Dieu, de l'histoire et de la religion. C'est la sauvegarde de votre honneur. C'est Dieu avec vous. Alors ne pas exagérer, on l'a dit hier, l'influence du grand mufti. Néanmoins, il y a une politique arabe d'Hitler, notamment dans le domaine radiophonique, qui essaye de couvrir la zone où les armées allemandes tentent d'avancer. Absolument. Je crois que malgré tout, et ça explique les accords qu'on a évoqués, l'idée de Hitler, c'est de rendre l'Europe Judenrein. C'est-à-dire que la vision de ce qui doit se passer ailleurs qu'en Europe, puisqu'il y a tout ce projet de faire, d'installer une colonie juive à Madagascar, ça l'intéresse un peu moins que le fait qu'il n'y ait plus de juifs en Europe. Mais néanmoins, il y a effectivement le mufti, une politique arabe, et on verra d'ailleurs après que des anciens nazis en fuite trouveront refuge, je pense à Loïs Brunner par exemple, trouveront refuge dans les pays arabes. Annette Wiewórka, vous parliez de seuil tout à l'heure au moment de l'annonce de la nuit de cristal, j'utilise encore le terme ancien. Fin 1942, il y a le sentiment en Eretz Israël, où on est bien informé qu'on a franchi un seuil, puisqu'on en arrive à la destruction systématique. Quand on reçoit un message sibyllin du genre Madame Hashmouda Gemoura va mal, ça veut dire extermination totale en hébreu. La presse du Yishuv, fin 42, va paraître certains jours entièrement bordés de noir. Alors effectivement, l'année 42, mi-42, hein, surtout les mois de l'été 42, c'est les mois de la destruction partout, hein, l'évacuation, la déportation l'assassinat des Juifs du ghetto de Varsovie, plusieurs centaines de milliers à Treblinka. La déportation des Juifs de France, juillet 1942, c'est vraiment cette année-là. Et c'est aussi l'année où les informations sur cette destruction atteignent les pays, enfin le Yishuv, mais aussi l'Angleterre, les États-Unis, et où on a le sentiment que quelque chose est compris de ce qui est en train de se passer. Et ce que je trouve toujours un peu surprenant, il y a la même chose en France, hein, dans les organisations juives, c'est que cette sorte de connaissance violente, vive, elle va être comme recouverte dans les mois qui ont suivi. Alors, la presse juive du Yishuv en parle moins. En parle moins, mais ce que je me demande toujours, c'est la profondeur de la compréhension de ce qui se passe, si les informations qui sont données sont vraiment comprise. C'est l'interrogation de Raymond Aron qui disait « on l'a su ». Mais ça nous semblait invraisemblable. C'est aussi l'interrogation qui est rapportée par, qu'on retrouve autour de l'histoire de Karski, de Frankfurter juif. De la Cour suprême américaine qui lui dit « Je ne vous dis pas que vous avez menti, c'est-à-dire que vous mentez, je vous dis que je ne peux pas le croire » ou quelque chose comme ça. Donc on a un peu cette situation qui est effectivement à partir de l'été 42. Et il semble qu'après... Difficulté à concevoir. Difficulté à concevoir, difficulté de vivre quotidiennement avec cette idée pour les gens du Yishuv, c'est vraiment les leurs. Hein, c'est leur famille restée en Pologne ou pour certains en Allemagne. Donc il y a une difficulté aussi à penser cette chose-là. Difficulté aussi... à nous de concevoir que dans cette presse du Yishuv, on pouvait, en 43, voir des photos des plages de Tel Aviv. Et puis, il y a peut-être cette idée, Annette Vievorka, que on fait ce qu'on peut. Ben Gourion, le chef de gauche du Yishuv, dit « on fait ce qu'on peut ». Mais le mieux, c'est peut-être de s'engager aux côtés des alliés de penser aux combattants, parce que ce sont des vivants, ils peuvent faire quelque chose plutôt qu'aux déportés. De toutes les façons, si on regarde, au début de cette émission, on a évoqué ce qu'était le Yishuv. C'est pas un État. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de possibilité de négociation diplomatique éventuelle, d'accord. Donc, il ne faut pas penser que le Yishuv aurait eu une puissance qui serait aujourd'hui éventuellement la puissance de l'État d'Israël, qu'il n'avait absolument pas. Il ne pouvait pas faire grand chose. Il a accueilli, il y a eu des déportés qui sont arrivés de Bergen-Belsen par le nord d'Israël, donc de la Palestine. Il a fait en gros ce qu'il pouvait faire. Et il faut aussi découpler dans nos têtes l'idée que savoir, c'est pouvoir. On peut savoir et être impuissant, on le constate tous les jours aujourd'hui. D'où le mariage de raison que la Haganah, la force de défense juive, va faire avec les Britanniques, avec bien sûr. Les forces impériales britanniques, avec bien la sûr. Constitution d'une unité d'élite qui jouera un rôle plus tard dans la création de Tsahal. C'est le groupe de Palmar qui, très souvent, vantait les héros de l'armée soviétique, par exemple. Alors voilà un chant martial de l'armée, de l'ébauche d'armée de Palmar. Sionisme et Shoah. Quand la fin de la guerre commence à intervenir, on sait peu cela, Annette Vievorka, mais vous connaissez bien ce qui s'est passé en Pologne, par exemple. Des rescapés juifs de Pologne constituent eux aussi des unités. Absolument. D'abord, il faut dire que dans les ghettos de Pologne, les jeunes juifs sionistes ou pas sionistes, il y avait aussi, je pense à Marek Edelman, des bundistes, ont constitué des organisations de résistance et qu'ils ont tenté, l'insurrection du ghetto de Varsovie étant la plus célèbre de ces manifestations, de se battre. Mais ils se regroupent et leur souhait, c'est vraiment de partir en Palestine. Au point de constituer tel ou tel kibbutz avant même de partir. Avant même de partir, ils se regroupent en fait dans des collectivités qu'ils appellent des kibbutz. Il y en a même un à Buchenwald avec les rescapés juifs qui ont été transférés à Buchenwald à la fin de la guerre. Ils constituent des kibbutz. Dans les camps pour personnes déplacées, ils ont une presse. alors que, il faut le dire, l'ensemble des Juifs avant-guerre d'Europe, avant la guerre, n'étaient pas sionistes au sens propre du terme, c'est-à-dire vouloir la création d'un État juif en Palestine et vouloir partir pour la Palestine. Beaucoup de survivants des pays de l'Est font le choix de la Palestine, d'autant qu'ils ne peuvent pas aller dans beaucoup de pays, puisqu'il faut rappeler quand même que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont encore sous le système des fameux quotas de 21 et 24, qui interdisent l'entrée des pays de l'Est, pratiquement l'entrée des pays de l'Est de l'Europe. Alors, dans les ghettos, pardonnez-moi, Annette Wieworka, il y a un témoignage d'un ancien du ghetto de Varsovie, un des rares survivants qui s'est retrouvé en Israël. Il y a une question. Mais pourquoi vous ne nous avez pas envoyé 500 personnes? Vous autres du Yeshou, enfin évidemment, si vous nous aviez envoyé 500, 490 auraient été éliminés avant de pouvoir entrer dans le ghetto. Pourquoi vous ne nous en avez pas envoyé 10? Bah oui, mais les 10, on n'aurait pas pu les cacher. Et cependant, ce témoin, cet ancien du ghetto, il finit en disant « mais vous auriez dû nous en envoyer un ». C'est vrai que dans les ghettos, le sentiment d'être abandonné, y compris peut-être des leurs, a été un sentiment très très dominant. Mais il y a eu quelques tentatives d'envoyer, la plus célèbre étant celle de Hanna Chénès, qui s'est fait prendre en Hongrie, si ma mémoire est bonne. Donc il y a eu ces tentatives. Alors c'était pas tentative non plus, avec des parachutages. Avec des parachutages, oui. Mais c'était pas non plus d'une facilité incroyable. Il faut pas croire que le ciel était libre et qu'on pouvait parachuter n'importe qui. Et il y a aussi un rythme de la guerre. À partir du moment où les Alliés remontent en Italie, jusqu'au nord de l'Italie, il y a plus de possibilités d'atteindre certaines zones de l'Europe de l'Est. Et puis, c'est une histoire un peu compliquée aussi. Il y a aussi d'autres négociations, notamment en Hongrie. La Hongrie étant le cas très particulier d'un pays où c'est l'arrivée de d'Eichmann en mars 44, après un changement de politique imposé par Hitler à l'amiral Horthy. À l'amiral Horthy, qui fait que très très vite il va y avoir une déportation. Et là, il y a aussi une négociation qui va permettre... Le nom que vous citiez d'Anna Chénès, parce que c'est une héroïne de légende, parachutée. Elle tente de participer à une opération de sauvetage, elle est arrêtée, elle est fusillée. Ses textes, ses poèmes ont été mis en chanson très souvent en Israël, ici avec Ofra Haza. Que le sable et la mer, mon Dieu, que ça ne finisse jamais, le murmure de l'eau, l'éclat du ciel, la prière de l'homme, ça s'est fini très vite pour Anna Chénès. Les rescapés reviennent. Ben Gourion, le chef du foyer national, dit « c'est le 7e million, il faut tous les accepter, femmes, enfants, vieillards ». On va pas vous faire raconter à Annette Wieworka l'épopée, l'odyssée de l'Exodus, mise aussi un peu en avant par le foyer national juif, mais... J'aimerais, puisque on cherche les sujets hélas polémiques, que vous nous disiez quelques mots de l'accueil des déportés. Alors, on a souvent dit et répété qu'ils ont été accueillis avec distance. Alors, on les accueille. C'est le point principal. Ça veut dire que le foyer juif, puis l'État après 48, novembre 47 ou mai 48, et l'État pour les juifs, tous les juifs. Mais il ne faut pas croire que, comme aujourd'hui, il y ait de l'admiration et du respect pour les survivants. En Israël, ils étaient surnommés les savons, parce qu'on pensait, on sait aujourd'hui que c'est une légende, qu'on transformait les corps, enfin la graisse corporelle, en savon. Donc ils sont méprisés. Et je réfléchissais... Il faut faire la part de l'humour juif. Il y a deux clubs juifs de football à Buenos Aires. Quand ils sont face à face l'un et l'autre, les partisans de l'un envoient des savons à l'autre. À l'autre, bon. Mais enfin, ils ne sont pas bien accueillis. L'idée de Ben-Gourion, ça a été, il n'y a aucune leçon... ni de la Shoah, ni attiré de la diaspora, on tourne le dos à la diaspora. Et il a fallu attendre le procès d'Adolf Eichmann pour qu'on examine autrement, ou plutôt même qu'on examine ce qui s'était passé en Europe pendant la Shoah. Mais ce sont les Juifs eux-mêmes qui, fiers d'être pionniers, d'être armés, qualifient d'autres rescapés, oui, de moutons. Oui, absolument, absolument. Et c'est aussi le culte qui est fait autour des combattants des ghettos. Un kibboutz, le kibboutz des combattants du ghetto qui se trouve en Galilée, est le kibboutz où se passent les commémorations. On célèbre les héros, un peu comme partout. On ne célèbre pas, comme on le fait aujourd'hui, les victimes. Donc les héros en tech Zuckerman, par exemple, sont vraiment les grands personnages parce qu'ils se sont battus. Et c'est eux-mêmes qui parlait de ces juifs qui s'étaient laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. L'idée, c'est qu'on va construire en Israël un Israélien qui ne sera pas le juif de la diaspora, recroquevillé sur ses livres, étudiant dans les yeshivot ou se livrant à des professions qui ne sont pas celles de la terre, et cette période-là est révolue. Enfin, la période de la diaspora est une période révolue. Pionnier, ardent, armé, et c'est le début du culte de Massada, la forteresse. Absolument. Où on a résisté jusqu'au dernier, et les officiers et les soldats prêtent serment. Absolument. Au fort de Massada, et on y dit, si Hitler était arrivé en 1942, on serait mort jusqu'au dernier, mais on n'aurait pas accepté de porter l'étoile juive. Merci à vous, Annette Wieworka, sur notre site, toutes vos publications. Et je rappelle Auschwitz, expliqué à ma petite fille de ma Philippe Glimplowitz, les nouveaux venus, les immigrations successives en Israël. Et chez vous, Fabrice Drouel. Et nous, on s'intéresse aux tueurs en série. Et notamment le glyphosate. C'était un effet. C'était un style. Effet, c'est aussi une réalité, car le glyphosate tue, monsieur Lebrun. Il faut le savoir. Est-ce que je peux donner, monsieur Drouel, le générique? Mais Pierre-Yves de Rolin à la technique, Ilinka Negulesco à la préparation, et Audrey Ripouille à la réalisation.